Chapitre 11e. Ignosi roi. Ignosi n'avait pas de temps à perdre. L'après-midi s'avançait. Il fit immédiatement marcher ses troupes sur l'eau et nous pria de l'accompagner. Nous avions perdu goutte de vue depuis la lutte avec les gris, et nous étions très inquiets sur son compte. Nous n'étions pas encore loin quand nous l'aperçûmes assis sur une fourmilière. Un coucouana gisait près de lui, apparemment mort. Soudain, le sauvage se releva et se mit à frapper Goud avec tant de vigueur que notre pauvre camarade, pris au dépourvu, roula à terre, la tête la première, jusqu'au bas de la fourmilière. Le coucouana suivait sa victime, frappant à coups redoublés. Nous nous élançâmes au secours de Goud, tandis que le coucouana s'enfuyait à notre vue. Goud ne bougeait plus, nous le crûmes mort. À la vérité, nous le trouvâmes pâle, abattu, blessé, mais vivant. Il nous accueillit avec un bon sourire. « Fameuse armure que cette côte de maille !» dit-il faiblement. « Ce coquin de sauvage croyait bien ?» Il s'évanouit. Pauvre Goud, il était tout meurtri et avait une de ses belles jambes blanches fortement endommagée par un coup de tola. Nous dûmes le faire mettre sur un brancard pour l'emmener avec nous. Les portes de l'eau étaient encore gardées par les soldats de Tuala. Nous avions aussi dépêché un détachement devant chaque porte. Nous apprîmes par un officier de Tuala que le roi s'était réfugié dans sa ville avec ses troupes, mais que ses soldats étaient complètement démoralisés. Ignosi envoya des héros à chaque poste pour promettre le pardon à tous ceux qui se rendraient. Et bientôt, aux acclamations des troupes, tous les ponts-levis s'abaissèrent. Nous avançâmes dans la ville avec toutes les précautions imaginables, car enfin on ne sait jamais de quel côté viendra la trahison. Nous nous dirigeâmes sur le kraal de Tuala. Là, tout semblait désert. Cependant, en approchant davantage, nous découvrîmes Tuala avec son âme damnée, Gagoul. Il était assis à terre, l'air sombre, la tête penchée sur sa poitrine, ses armes à ses pieds. Malgré le souvenir de tous les méfaits qui nous avaient révoltés, un sentiment de pitié me traversa le cœur en voyant ce roi déchu d'une si haute puissance. Il était seul. Pas un des courtisans qui le flattaient le matin même, pas un des soldats qui lui avaient obéi sans réplique, pas une des mille femmes qui avaient tremblé devant lui n'était là. Tous l'avaient abandonné, sauf cette horrible sorcière, fidèle dans la bonne et la mauvaise fortune. Lorsque nous fûmes tout près, Gagoul se mit à nous vomir toutes les injures de son vocabulaire africain. Je n'en comprenais pas toujours le sens, mais l'intention était claire. Le roi vaincu leva sa tête en panaché et fixa son œil enflammé de furie sur Ignosi, comme si, d'un regard, il eût voulu annihiler son heureux rival. « Salut, roi, » dit-il d'un ton amer, « toi qui as mangé mon pain et qui m'as trahi au moyen de l'art magique des Blancs, quel sort me réserves-tu ? » « Celui que tu as fait subir à mon père, » dit Ignosi sévèrement. « C'est bien, je suis prêt, mais tu sais quelle est la coutume du pays. J'ai droit de choisir mon antagoniste, et afin de périr en combattant, de choisir l'un après l'autre ceux de mes adversaires qu'il me plaira de désigner jusqu'à ce que je sois tué. « Je sais, » dit Ignosi. « Choisis. Le roi n'a le droit de se battre qu'à la guerre, sans quoi je voudrais de ma main venger le sang de mon père. » Tuala s'était dressé, le sourcil froncé, l'œil farouche, il parcourait les rangs. Un instant, il s'arrêta sur moi. À l'idée de cet honneur que j'étais loin d'ambitionner, j'eus froid dans le dos. J'ai beau être robuste et dur à la peine, contre un gaillard de cette taille, je ne pouvais pas lutter. D'avance, j'étais bien décidé à part moi de décliner la faveur, dussé-je être tenu pour un poltron par tous les coucouanas de l'Afrique. Autant cela que d'accorder à Tuala la satisfaction de faire rouler ma tête sur la chaux pulvérisée de son kraal. Mais le regard du roi s'était détourné. Il l'arrêtait sur Sœur Henry. « C'est à toi que j'en veux. Toi, qui as tué mon fils unique. Sors des rangs. Que nous voyons si tu auras aussi facilement raison de l'homme que de l'enfant. » « Non, » dit Ignosi, « tu ne combattras pas avec Inkubu. S'il a peur, n'en parlons plus, » dit Tuala avec dédain. Sœur Henry avait compris. Le sang lui monta à la tête. « Il croit que je le crains, » dit-il. « Nous allons bien voir. Avance, sauvage, nous nous battrons. »« Pour l'amour du ciel !» m'écriai-je. « Sœur Henry, n'en faites rien. Cet homme n'a pas besoin de savoir si vous êtes brave. Toute l'armée vous a vu à l'œuvre aujourd'hui. Vous ne vous battrez pas, c'est inutile. » Je me battrai, dit Sir Henry. Personne ne dira jamais qu'un Anglais a reculé devant qui que ce soit. Non, mon ami, dit Gnosi, ne t'offre pas au cou de ce monstre aux abois. S'il t'arrivait malheur, mon cœur en serait brisé. J'ai dit, reprit obstinément Sir Henry, j'accepte son défi et je me battrai. Eh bien, mon frère blanc, reprit Gnosi, c'est pour une bonne cause, tu seras heureux. Toi là, voici ton adversaire, Incubo est prêt. Sir Henry et toi là s'avancèrent. Ils étaient de taille à lutter ensemble. Le soleil couchant les enveloppait de ses rayons de feu. L'âche levée, ils tournoyèrent un instant l'un autour de l'autre. Tout à coup, Sir Henry fit un bond et frappa Toala qui sauta de côté et évita le choc. Mais Sir Henry avait presque perdu l'équilibre par la force du coup. Toala profita de cet avantage et fit tournoyer sa hache qui s'abattit avec violence. Heureusement, de son bouclier, Sir Henry avait paré le coup, mais le bord du bouclier avait été emporté et l'épaule de Sir Henry avait été touchée. Les coups se succédaient, tantôt parés par le bouclier, tantôt évités par l'adresse des combattants. Le régiment entier, oubliant sa discipline, avait quitté ses rangs et faisait cercle autour des deux champions, marquant son approbation par des clameurs sauvages. Good avait repris ses sens et ne voulut pas perdre la vue d'un spectacle aussi palpitant. Il en oublia un instant ses propres souffrances, excitant son ami du mieux qu'il pouvait. « Allez-y, brave camarade, n'épargnez pas, encore un pareil !» Sir Henry, toujours plus excité, frappa de toutes ses forces. La hache traversa l'armure du roi, et le sang coula de son épaule blessée. Avec un cri de rage et de douleur, Toala rendit le coup avec usure. Sa hache s'abattit sur la hache de Sir Henry, qui roula à terre à demi détaché de son manche de corne de rhinocéros. Les soldats poussèrent un hurlement en le voyant désarmé. Toala leva sa hache avec un cri de victoire. Moi, je fermai les yeux, ne voulant pas voir le reste. Malgré moi, une seconde après, je les rouvris. Sir Henry avait saisi Toala à bras-le-corps et l'étreignait avec furie. Toala enserrait Sir Henry, ils roulèrent à terre, Toala essayant de frapper Sir Henry. Sir Henry, tout en se défendant, tâchait de s'emparer de l'arme de Toala. Tout à coup, il y réussit, l'attache qui tenait l'arme au bras de Toala céda sous le vigoureux effort de Sir Henry. En une seconde, il fut sur pied. Le sang ruisselait le long de l'armure des deux braves. Sir Henry avait une balafre à la figure, et la vue du sang enflammait encore leur ardeur. Toala avait tiré un tola de sa ceinture. Il apporta un coup à Sir Henry en pleine poitrine. L'acier résista. Trois fois, il revint à la charge. À la troisième fois, Sir Henry leva sa hache et la battit sur le cou du roi. Un grand cri s'éleva autour de nous. La tête de Toala sembla bondir de ses larges épaules. Elle tomba, roula à terre, et vint s'arrêter au pied d'Ignosi. Le corps resta droit une seconde, le sang jaillissant écumant des artères, et avec un bruit sourd, le colosse tomba à terre. Son collier d'or sauta de son cou, et au même instant, Sir Henry, épuisé, s'évanouissait. Aussitôt, des mains amies l'avaient relevé. On versa de l'eau fraîche sur sa figure blessée. Il rouvrit les yeux. Le soleil se couchait. Je fis un pas, et prenant la couronne de la tête de Toala, je la présentai à Ignosi. Prends ce signe de la royauté, roi légitime des Kokuana, dis-je. Ignosi prit le diadème, l'attacha sur son front, et s'avançant fièrement, il mit un pied sur la poitrine de son ennemi, et dans son langage sonore, éclata en un chant éloquent et sauvage, dont l'écriture, langue figée, ne saurait donner qu'une fausse idée. Lorsqu'il se tut, les ténèbres envahissaient la terre, et du sein des troupes environnantes, retentit une longue acclamation plusieurs fois répétée. « Tu es le roi !»